Si ça ne va pas fort aujourd'hui, dites-vous que vous auriez pu être Francis Fukuyama, philosophe, politologue américain, lequel publia quelques mois avant la chute du mur de Berlin un article intitulé « La fin de l'histoire ». L'article se transforma en un livre. La thèse de ce livre était aussi solide qu'un pavé du mur de Berlin. La démocratie libérale avait triomphé. Ce régime représentait en quelque sorte le point d'aboutissement indépassable de la politique humaine. Est-il utile d'expliquer pourquoi et comment cette prévision angélique fut démentie? Disons que 9 ans après la fin de l'histoire, une autre histoire recommençait avec la chute de tous les murs des tours jumelles un certain 11 septembre 2001. La suite, vous la connaissez. Pourtant, il serait injuste de résumer l'œuvre de Fukuyama à un échec complet. D'abord parce qu'il a eu l'honnêteté de reconnaître que son compagnonnage avec les néoconservateurs avait été une erreur. Mais aussi et surtout parce que La fin de l'histoire est un livre infiniment plus fin que son titre. Derrière cet ouvrage, on trouve une lecture des gueules, une lecture du futur, comme si le futur était régi par une loi unique d'évolution. Si cette philosophie de l'histoire n'a plus guère de défenseur, Fukuyama a le mérite d'exhumer un moteur du devenir historique dont la puissance n'a pas été démentie, le thumos, un mot grec censé désigner la glande de l'amour-propre. Et pour Fukuyama, c'est cette glande, le thumos, l'amour-propre qui a incité les hommes au XXe siècle et au XXIe à faire des révolutions, non pas pour améliorer d'abord leurs conditions matérielles. Ça n'est pas uniquement parce qu'ils n'étaient pas capables d'assurer un niveau de vie correct à leur sujet que les régimes communistes ont été renversés. C'est parce qu'ils maintenaient les êtres humains dans un état de sujétion, d'humiliation incompatible avec la pulsion timotique, cette pulsion qui incite les personnes à se penser libres et responsables de leur destin. Or, c'est précisément ce qui s'est produit aussi avec le printemps arabe. Alors, l'histoire, dans sa triste ironie, a donné raison et tort à Fukuyama. Elle a montré que l'un des ressorts de l'être humain est effectivement celui qui le conduit à se penser comme un animal politique, autrement dit un être libre de son destin individuel et collectif. Mais en provoquant la guerre de Syrie, ces révolutions ont montré aussi que nous n'étions pas prêts de voir la fin de l'histoire. Et maintenant, bonne journée, puisque vous n'êtes pas Francis Fukuyama.